n'oublie pas ce que je t'ai dit d'entrée de jeu. Les gars qui durent dans ce métier, ce sont les gars qui veulent droit. Pas de vague, tranquille. Et ceux qui veulent le grand chelem, les chicas, champagne et frimes, eux, ils dégagent. Sur ces dés, je reste vrai. Comme dans la vie, un mec classique, c'est la zig qui me fait avancer. Pas les petits trafics, pas là pour imiter. Rappeur qui cartonne à proximité. Original, vu qu'en qualité, c'est déjà trop limité. Ici, c'est Paris, crois pas que c'est Los Angeles. T'as la chance de t'en sortir, là-bas y'a trop de gosses qu'on délaisse. Quand j'écris, je reste moi. Je me prends pas pour qui que ce soit. Tu dis que tu défonces qui? Moi, y'a que l'un truc que je nique ce soir. Trop de rimes dans la tête, je pourrais te les vendre au kilogramme. Mon son dans ta caisse, et pas de panique si t'as Clio crame. Je reste vrai. Si t'as des problèmes, je suis dispo, je vais pas t'esquiver. Même si tu deviens fan comme Obispo, ne t'attends surtout pas à ce que je crache sur les MC. Rappeur pacifiste, je m'en fous que mon clip passe pas sur M6, KRNA. Et si ça marche, ça changera pas. J'ai grillé l'hameçon, tu peux prier pour que je morde à la part. Je rappe pour me faire entendre, pas pour gonfler mon compte en banque. Que mon son pète tes neurones, vu que les euros, je suis toujours en manque. Je reste véridique, et si pas de place pour mythomane, pour que les gens kiffent, y'a pas de secret. Au micro, je reste vrai, je rappe pour me faire entendre. Pas pour gonfler mon compte en banque, que mon son pète tes neurones, vu que les euros, je suis toujours en manque. Je reste véridique, et si pas de place pour mythomane, pour que les gens kiffent, y'a pas de secret. Au micro, je reste vrai. Jamais en manque d'inspiration, j'ai trop besoin de mon écriture. Pas de réussite éphémère, on cherche le truc qui marche et qui dure. Difficile de percer, si t'as pas de moyens financiers. Dans le rap, pas de CDI, c'est trop facile de te licencier. J'suis pas là pour changer, mis à part mes rimes et ma zig. J'aime chanter comme quand les supporters disent Paris est magique. Bercé au son des basses, faut constamment qu'on se surpasse. La tête sous l'eau, les jaloux veulent m'empêcher de refaire surface. Certains ont confondu le rap français et le cinéma. Vas-y, démarre, ça me fait bien gaulerie quand je vois le style des man. Comme dit Mike Fury, c'est New York en parodie. Tu peux parler sur mon dos, c'est pas grave, on m'a déjà maudit. Je rappe pas pour le style, parce que j'ai trop de choses dans la tête. Pas là pour me plaindre, même si comme toi j'ai vécu dans la tête. Augmente le volume, merci d'avance si t'apprécies. Cible en vue, je vise mon but, j'espère que le tir sera précis. Je rappe pour me faire entendre, pas pour gonfler mon compte en banque. Que mon son pète tes neurones, vu que les euros, je suis toujours en manque. Je reste véridique, et si pas de place pour mythomane. Pour que les gens kiffent, y'a pas de secret. Au micro, je reste vrai, je rappe pour me faire entendre. Pas pour gonfler mon compte en banque. Que mon son pète tes neurones, vu que les euros, je suis toujours en manque. Je reste véridique, et si pas de place pour mythomane. Pour que les gens kiffent, y'a pas de secret. Au micro, je reste vrai. Je suis pas là pour changer, oublier mes fréquentations. Mon son à fond sur ta fréquence, je veux ma cote en augmentation. Beaucoup me regardent de haut, un petit blanc qui débarque, c'est d'art. On m'a dit, fais gaffe à ces gars, ils voudraient que ton rap s'égare. Quand j'écris, je reste moi. Impossible de prendre la grosse tête, ma musique enceinte, on aimerait la tuer pendant sa grossesse. Mon son n'est pas périmé, pas de limite de conservation. Je dis plus mes plans par téléphone, on écoute mes conversations. Je sors mon CD l'avant-goût, je suis là en attendant mon tour. Mais avant tout, je veux que mon son tourne sur Paname et ses alentours. On m'a dit, reste toi, fais tout pour que le public te haïe pas. Évite la cocaïne et les propos à la Al-Qaïda. J'espère que tu kiffes, et si c'est pas le cas, ben c'est sans rancune. Les jaloux disent ça pue, normal ma plume est dans leur cul. On m'a dit, persévère, quand tu poses, y'a du potentiel. Je leur ai dit, je reste moi, je reste droit, c'est ça l'essentiel. Pour me faire entendre, pas pour gonfler mon compte en banque. Que mon son pète tes neurones, vu que les euros, je suis toujours en manque. Je reste véridique, et si pas de place pour mythomane. Pour que les gens kiffent, y'a pas de secret. Au micro, je reste vrai, je rappe pour me faire entendre. Pas pour gonfler mon compte en banque. Que mon son pète tes neurones, vu que les euros, je suis toujours en manque. Je reste véridique, et si pas de place pour mythomane. Pour que les gens kiffent, y'a pas de secret. Au micro, je reste vrai.